Mardi 22 octobre, 17h30, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour parler d'art visuel. Aujourd'hui à l'émission, on fait un petit bilan en fait de la première édition de la Foire en art actuel de Québec pour en parler. Deux des organisatrices, Fnoun Taha et Marie-Pierre April. J'ai mandaté Catherine Boivin pour aller faire un tour à la Villa Bagatelle, voir l'exposition Immortaliser Québec, une exposition en fait des photographies de Frédéric C. Vurtel, un photographe amateur du 19e siècle. Également, on discute avec Marissa Portolessé. On reste dans le domaine de la photo puisqu'elle présente à vue son exposition Antonia's Garden. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera bien entendu ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour! Bonjour! Simon, cette semaine, on écoute Borstal Boy. Oui, c'est un Canadien. Ça arrive pas souvent à l'émission. Je fais tourner des trucs d'un peu partout sur la planète. Puis là, j'ai trouvé cet artiste-là ce matin. Quand même assez rapidement, j'ai eu toutes les misères du monde à me lever ce matin, puis il me semble que cette musique-là est une très bonne trame sonore pour mon genre de matin que j'ai pu avoir. C'est son album s'intitule « They Gave the Children Drugs ». C'est musique psychédélique, des fois un peu incantatoire, ça peut sonner un peu nostalgique et ou rétro-futuriste. Assez mystérieux comme trame sonore, c'est parfait pour un automne pluvieux. C'est sur l'étiquette Haze, c'est une étiquette qui nous vient de la Biélorussie, une étiquette qui a plus de 250 albums, vraiment tout genre, surtout des trucs assez expérimentaux. Donc, c'est, on va dire, la trame sonore de mon matin. Oh, quand même, hein, une étiquette vient de Biélorussie et c'est un Canadien. Comme quoi, Internet permet des liens incroyables. Ils ont des artistes de partout sur la planète. Ils disent de la Biélorussie, mais on pourrait dire que c'est ça, c'est une étiquette mondiale. Voilà. Ben Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'en met tout de suite en oreille. On écoute Acid Eyes sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre Borstal Boy, un extrait de la pièce Acid Eyes. C'est une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, si vous appréciez ses suggestions, vous pouvez toujours écouter son émission Web Musique les dimanches à 20h sur les ondes de CKRL, bien entendu. Si vous appréciez particulièrement certaines suggestions, ben, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. À peu près tout ce qui passe dans l'émission y est mis, y est diffusé. Voilà. Dont la revue de presse de Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et cet après-midi, en fait, ce matin, c'était annonce officielle des prix de la Ville de Québec, des arts et de la culture, notamment via le Conseil de la culture de Québec et Chaudière-Appalaches. Et évidemment, là-dedans, les prix Vidéré, chapeautés par la Manif d'art. Alors, on a les nominés pour l'édition 2013. Je te les lance de ce pas dans la catégorie relève. Donc, sont nominés Marie-André Cormier pour son exposition Sud-Est-Nord-Est qui était présentée à l'œil de poissons. C'était en collaboration avec Folie Culture en octobre-novembre dernière. Également, Mathieu Fecteau pour son exposition Grande Mouture et l'événement Québec Crêpe dont tu avais parlé ici à l'émission, donc qui était du côté de l'œil de poisson. Et enfin, Natalia Petkova pour son exposition Patagraphie qui était présentée à la Galerie des Arts Visuels de l'Université Laval un peu plus tôt cette année. Donc, les auditeurs de l'aérospatiale et les amateurs du milieu des arts visuels connaissent déjà bien, je pense, ces expositions-là, ces événements-là, avec un gros côté performatif quand même dans les sélections qui ont été effectuées. Mentionnons-le. Sinon, en termes de création, donc artistes un peu plus établis, alors Galerie des arts visuels Anticoste, Richard Baillargeon, qui est nominé. Également, Mériol Lehmann pour son exposition Anglo-Canadian Pulp and Paper Mill, qui était présentée à vue. Et enfin, France McNeil pour son exposition Ouvrir l'œil, qui était présentée, elle, du côté de Engram un peu plus tôt cette année. On les avait déjà tous reçus à l'émission. D'ailleurs, si jamais vous voulez réécouter les émissions, les entrevues sur le site, ben, vous pouvez y aller. Il y a un outil de recherche. Exactement, pour se replonger un peu dans l'ambiance de tout ça. En route ça vers le 25 novembre. Oui. Et les gagnants vont être annoncés le 25 novembre. C'est un lundi, donc on en reparlera le lendemain, évidemment. Et sinon, dans les autres nouvelles qu'on vous mentionne, ben notamment, il y a le regroupement des artistes en arts visuels du Québec qui s'immisce dans la campagne municipale à Québec, alors réclamant et critiquant la situation des ateliers de créateurs artistiques. Donc, on estime qu'il n'y en a tout simplement pas suffisamment, qu'il n'y a pas suffisamment d'appui également. Alors, on a mis de l'avant via leur site web, donc un argumentaire pour réclamer justement plus de ce type d'établissement, mentionnant qu'il existe un danger réel d'exode des créateurs vers les banlieues ou les municipalités avoisinantes, voire vers Montréal, c'est une situation qui est intenable pour les artistes qui sont bien établis, qui est impossible pour les créateurs de la relève. Et ils proposent carrément là, la mise en place d'un programme qui pourrait s'appeler les murs porteurs, un programme qui visera à maintenir et à protéger les retombées économiques générées à Québec par les ateliers d'artistes. Alors, on détaille également un peu ce programme en justifiant justement, de par la situation générale, la nécessité de ce type d'équipement qui pourrait constituer un levier économique, qui pourrait structurer la pratique professionnelle en arts visuels et en métiers d'art à Québec. Et également, nous dit-on, solidifier la communauté artistique de la capitale nationale. Alors, si vous voulez avoir l'argumentaire intégral, ben, ce sera sur l'aérospatiale.wordpress.com. Sinon, autre prix, on avait mentionné qu'Amélie Proulx était en nomination au RBC Emerging Artist People's Choice Award. Eh bien, elle a remporté le prix. Alors, on la félicite, évidemment. Bien sûr. Alors, c'était autour notamment de sa pièce Jardinet mécanique. Et on revient dans le communiqué officiel, justement, sur le travail de cet artiste-là qui était nominé aux côtés de quatre autres artistes canadiens de Colombie-Britannique, Labrador, Manitoba et Ontario. Sinon, triste mention, décès d'un sculpteur, maître de sculpture sur bois, un sculpteur qui a eu son influence d'ailleurs sur l'évolution de la sculpture abstraite au Québec. Il s'agit de Roland Dinel, sculpteur dès l'aube, chauffeur de tramway au crépuscule, nous dit-on. Il passait de 6 à 7 heures par jour dans son atelier à façonner sans arrêt des milliers d'œuvres sculpturales. Et on dit qu'aux côtés des Robert Roussil et autres Armand Vaillancourt, il aurait été donc un des précurseurs de la peinture abstraite au Québec. Un article assez intéressant d'ailleurs du côté de la presse qui détaille un peu le parcours de cet artiste qui a eu son importance évidemment et donc qui est décédé en cours de semaine dernière. Et petite dernière nouvelle, dernier clin d'œil, simplement pour dire, on avait parlé de Banksy qui était du côté de New York. C'est pas sans conséquence. Certes, donc certains sont bien contents qu'il y soit, d'autres un peu moins. Il y a eu sortie notamment du maire de New York rappelant que ce qu'il fait est absolument illégal. Il y a également des gens qui font des offres aux propriétaires des bâtiments pour démonter les murs à coût de millions de dollars pour amener les œuvres de Banksy ailleurs que dans les murs de la ville. Alors, il y a même des édifices qui ont choisi d'installer des gardiens pour éviter que les œuvres ne soient volées ou également vandalisées, puisque les graffeurs new-yorkais ne sont pas nécessairement contents non plus de le voir. Plusieurs œuvres qui ont été taguées en réponse justement au fait que Banksy s'est installé, entre guillemets, sur leur territoire. Alors, situation qui est détaillée dans pas mal de médias européens, entre autres. L'article que je réfère dans la revue de presse est celui du journal Le Monde. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, à la vie en bébé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les anécros. On revient sur l'âge d'or de l'humour en magazine BD, peut-être un peu plus acerbe, au Québec. Okay, dans mon cas, on se rappelle une partie de mon enfance et de mon adolescence. Eh bien, merci beaucoup. On s'en va en pause audio. On écoute Death Walk in Tibet. Et au retour, on discute avec Marissa Portolessé. De retour à l'aérospatiale, Julie Gagné, toujours avec vous pour cette émission consacrée à l'univers des arts visuels. À l'instant, on va faire un tour au Centre d'artistes VU à Méduse, puisque Marissa Portolessé y présente son exposition Antonia's Garden. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui, merci, ça va très bien. Antonia's Garden, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé de 2007 à 2011. Pouvez-vous nous en parler, nous le présenter peut-être de manière générale? OK. Alors, c'est ça. Récemment, mon travail s'est concentré autour de la fragilité, de la vie, dans le cadre d'un travail narratif. Je travaille habituellement de cette façon-là. Sauf que, au cours des dernières années, j'ai produit des images centrées sur des thèmes familiaux, sur le rôle des femmes, l'intimité, l'autobiographie et la relation complexe entre mère et l'enfant, qui était inspirée par la relation entre ma mère et sa mère. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et parce que en 2007, ma grand-mère est tombée malade. Alors, moi puis ma mère, on est allés en Italie, on a fait un gros voyage. Et quand on est allé la visiter, parce que à ce moment-là, on pensait que c'était la fin de sa vie, mais finalement, non, c'était pas ça. Puis quand on est arrivé en Italie, j'étais vraiment inspirée de tout ce qui s'est passé, puis que les conversations qui se passaient entre ma mère, puis sa mère, entre moi, puis ma grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec la famille. Et là, excuse-moi. Allez-y. Mais il y a une historique, il y a un contexte, parce que en 1953, ma mère, à l'âge de 7 ans, fut envoyée par sa famille native de la Sardaigne, en Italie, pour aller vivre avec sa tante malade dans la province de la Calabre. Et par la suite, elle n'a jamais retourné vivre avec sa famille immédiate à sa maison d'enfance. Elle a souffert immensément. Ah ouais? Oui. Elle avait des frères et sœurs, j'imagine? Elle avait des frères et sœurs qui sont restés en Sardaigne. Et la raison pour laquelle elle était choisie pour aller vivre avec sa tante, c'est que c'était la préférée de sa tante. OK. Et elle avait comme une connexion avec elle, sauf que elle avait 7 ans. Alors, c'est sûr que les choses comme ça, c'est très rare que quelqu'un fait ça maintenant, mais dans le temps, dans les années 50, en Italie, dans le sud, ça arrivait plus souvent. Donc, malheureusement. J'imagine que pour vous, les rapports entre la mère et l'enfant, la mère et la fille, dans ce cas-ci, puisque bon, vous êtes trois femmes, sont d'une complexité qui est teintée de ça, justement. Absolument, absolument, parce que il y a eu des ramifications de cette relation. Ma mère, elle a souffert beaucoup. Alors, avec moi, tu sais, c'est sûr que elle a essayé de me protéger beaucoup, puis moi aussi en même temps, c'est l'abandon, c'est quelque chose qui est arrivé, puis c'est quelque chose qui nous marque intense. C'est pas drôle en tout cas. C'est très intense, surtout à vivre ça comme enfant. Mais par contre, ma mère puis sa mère, tu sais, ma grand-mère, pendant qu'elle était malade, quand on était en 2007, elle a commencé à parler de cette expérience puis de son point de vue. Puis ah ouais. On a réalisé que elle voulait jamais ça. Elle sentait un peu, elle sentait très coupable, première des choses qu'elle a faites, ça, ma mère. Elle sentait très mal puis elle voulait être pardonnée. Tu sais, alors il y a toujours le pardon. C'est sûr qu'il y a un échec dans tout ça, mais à la fin de sa vie, elle a réalisé puis elle a parlé de ça parce que ça lui affectait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, donc c'est quand même assez chargé là, comme origine là, au projet. Mais là, vous avez débordé un peu le cadre de votre mère, de vous-même et de votre grand-mère et vous avez étendu à votre famille. Qu'est-ce qui vous a amené justement à Antonia's Garden? Est-ce que c'est le nom de votre grand-mère? Oui, c'est le nom de ma grand-mère. Puis c'est sûr que le jardin qui apparaît dans le projet, pas tous les images, c'est son jardin, mais le paysage, je voulais vraiment que ça soit symbolique. Un jardin, c'est qu'on cultive un jardin. Puis c'est comme, pour moi, c'était symbolique à la famille, puis des relations qu'on cultive en famille. Alors, c'est comme ça que j'ai pensé au titre. Puis je travaille beaucoup dans le paysage avec mes sujets, et mais avec Antonia's Garden, ça concentrait principalement sur les questions relatives à l'identité ou déplacement à l'abandon et à la mortalité maternelle. Ah, et c'est vraiment concentré sur ma famille, la famille de ma mère, qui est ma famille aussi. Et est-ce que les gens de votre famille ont été faciles à convaincre de faire ces portraits-là? Oui. J'étais très honnête avec tout le monde. J'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire. Ils sont assez habitués à me voir avec une appareil photographique. Parce qu'on allait souvent, on y va souvent en Italie. Alors, c'est ils me connaissent très très bien. Okay. Alors, puis ma grand-mère était très lucide pendant tout le projet. Elle vient juste de mourir en 2013, au mois de février. Mais avant ça, elle était très très lucide jusqu'à la fin. Alors, j'étais toujours avec mon appareil photographique devant elle. J'ai lui montré des photos que je faisais. Je suis retournée en Italie à tous les années et chaque été je prenais des photos puis quand j'allais à chaque fois j'amenais des photos que j'avais déjà faites. Alors tout le monde était au courant de qu'est-ce qui se passait. C'est sûr qu'ils comprennent pas ça comme nous autres dans le monde d'art visuel. Mais ouais. Une autre interprétation. Mais il était très formidable, des sujets extraordinaires parce que Mais vous les avez fait carrément là, parfois des mises en scène là. Il y a une image qui rappelle une Pietà, des images qui rappellent la Madone à l'enfant, Il y avait beaucoup de directions. Je disais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux représenter. Comme je vous ai dit, j'expliquais tout à mes sujets, à ma famille. Et c'est sûr que c'est inspiré par une vraie histoire. Mais il y a aussi de la fiction, parce que quand même, le thème de la famille, c'est universel. Tout le monde a une famille. Tout le monde peut comprendre les relations entre mère et enfant. En tout cas, alors, je voulais juste que ça soit plus ouvert et que que ce soit pas un projet documentaire, mais plutôt narrative, avec la fiction là-dedans aussi. On est vraiment dans l'évocation aussi, là, parce qu'il y a des images qui sont très, très puissantes. Là, je pense au cadavre de l'animal. Là, je sais pas c'était quel animal. Oui, c'est un cheval. C'est un cheval, bon. Oui. Donc, ce type d'image-là, ou encore, bon, la femme avec l'enfant sur ses genoux, le père avec l'enfant à la chute et tout ça. Donc, tu sais, vous cherchez quand même à montrer ce qu'on voit habituellement en portrait, mais un état intérieur quand même assez clair. Oui, oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de symbolisme. Il y a aussi, c'est sûr que pas moi maintenant, mais ma famille est catholique. Alors, c'est sûr que des images de la religion faisaient part de ma vie, toute ma vie, mon enfance. Et c'est sûr que ça jouait quelque chose dans ma tête parce que ça m'a affectée. Et j'étais inspirée par ça aussi parce que la relation entre mère-enfant, c'est quelque chose qui est exploré beaucoup dans la religion, hein. Ben oui. Et les Pietà, c'est surtout des enfants avec leur mère, et les images d'enfants et mères qu'on voit dans l'histoire d'art, ça m'a beaucoup influencé puis inspiré, je dois dire. C'est ces images-là qui m'inspirent beaucoup. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un thème en tête, j'avais quelque chose qui m'inspirait, qui était personnel dans ma vie. Puis avec la recherche, en regardant des photos dans des livres d'histoire d'art, dans des musées, c'est comme ça que j'ai commencé à produire des images puis à créer des mises en scène pour des différents scénarios que vous voyez dans le projet présentement qui est exposé à vue. Alors, c'est comme ça. Il y a quelque chose de très pictural aussi. Là, on parle de référence à l'histoire de l'art, mais moi, je vois notamment dans le travail sur la couleur ou sur la composition, il y a quelque chose qui me fait penser un peu au classicisme ou encore au romantisme. Absolument, absolument. C'est sûr que la peinture, surtout de certaines époques, m'inspire beaucoup, pas juste dans Antonio's Garden, mais dans la plupart de mon travail. On voit beaucoup de références à des peintures très classiques, puis très connues, puis absolument, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui m'aide à produire mes images. Et je suis photographe, mais en réalité, j'aurais vraiment aimé être un peintre. D'ailleurs, j'ai lu dans une entrevue où vous disiez « je suis une coloriste ». Oui, oui, oui. La couleur est très importante pour moi. C'est aussi, c'est symbolique. C'est important dans le sens qu'il y a des couleurs qui se marient entre des images. C'est comme ça qu'on fait des liens entre des images aussi. Il y a des sections de Antonio's Garden qui sont toutes ensemble, qui vont toutes ensemble, pas juste à cause de l'émotion ou du symbolique, mais aussi la couleur. Le formel, c'est quelque chose qui est très important dans ma production et comment je construis mes images. Alors oui, oui, oui. C'est sûr que je suis très consciente des couleurs que j'utilise dans mes images. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a frappée en regardant l'exposition, c'est comme le focus. Notamment, bon, j'ai encore cette image de l'homme avec son enfant près de la chute. Le focus, c'est pas sur ce qu'on croirait comme le sujet principal, c'est-à-dire le visage ou les personnes, mais étant au premier plan, il y a des effets de flou aussi. Vous jouez beaucoup avec ça. Est-ce que c'est un peu pour créer un espèce de climat de rêverie ou de contemplation? Des fois, oui. Des fois, honnêtement, je vais vous dire, des fois, je joue avec... Il y a un appareil que j'utilise, c'est un appareil 4x5, un grand format, puis on peut vraiment jouer avec le focus, avec des mouvements de l'appareil. Alors, des fois, oui. Des fois, ça donne que je suis dans des situations, parce que je travaille avec la lumière naturelle. Et des fois, je suis dans des situations où c'est ça, la lumière. Alors, il faut que je m'ajuste avec des temps d'exposition très, très, très longs. Mm. Alors, des fois, le sujet peut pas rester... ça arrive à cause du excuse-moi, l'exposition est très longue, alors c'est sûr que les sujets vont bouger. Ben oui, OK, je comprends. Mais la plupart du temps, ces images-là, je les utilise pas, sauf que avec l'image que vous me, que vous, de, de laquelle vous parlez, Father and Child. J'ai beaucoup aimé cet effet-là. Alors, puis ça jouait entre la réalité, puis le rêve, puis le passé, le présent. Il y a beaucoup de références à différents lieux, mais à différents moments. Comme des moments suspendus aussi, là. Exactement. Comme c'est la photographie, finalement. Exactement. En terminant, Marissa Portelessé, j'aimerais savoir, bon, il y a ce projet-là, Antonia's Garden, a plus d'une trentaine de photographies. Il y a une vidéo aussi. C'est pas tout qui est présenté à vue. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a guidé votre sélection? C'est sûr que il n'y avait pas assez d'espace. C'est quand même une grande salle, ouais. Une belle salle, mais il n'y avait pas assez d'espace de tout mettre. Alors, j'ai choisi les images les plus importantes. Comme c'est sûr qu'il y a des images qui sont pas là. Je veux pas dire qu'ils sont pas importantes, mais sont comme peut-être une image d'un paysage ou une image. Ouais. C'est comme une. Il y avait assez. Il y avait des images que j'avais pas mis qui étaient déjà. J'avais déjà quelque chose comme ça dans l'expo. OK, je comprends. Mais c'est très, très difficile à faire une sélection comme ça parce que quand on fait un gros projet avec beaucoup d'images, c'est sûr qu'on veut tous les montrer. Ouais. Mais c'est pas possible. Puis en même temps, je pense que avec ce projet-là, la chose qui est intéressante pour moi, c'est que dans chaque lieu que je la monte, ça change, la séquence change, et je peux la montrer de des façons très différentes, mais ça dit toujours la même affaire. Alors c'est quelque chose que j'ai réalisé en faisant les images et en exposer ce projet-là dans plusieurs lieux. D'ailleurs, bon, c'est pas mal tout le temps qu'on a, mais je veux mentionner, ce sont pas toutes les images qui sont là, il y a une vidéo également, oui. Mais on peut retrouver tout ça là, dans une publication qui est en vente à vue, là, qui présente le projet oui. De manière générale. Oui, on peut trouver tout ça dans la publication parce que c'est sûr que le projet aussi, il y avait un livre qui a été publié par Ouma, la Maison de la photographie à l'image, et sur mon site web, c'est sûr que toutes mes images sont là avec la vidéo. Alors si quelqu'un est vraiment intéressé dans le projet puis il veut voir plus de qu'est-ce que je fais, il y a des façons de le faire. Et voilà, ben Marissa Portelessé, merci beaucoup. Merci à vous. Antonia's Garden est présenté à vue jusqu'au 10 novembre. De notre côté, on fait une pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. À ne pas manquer ce soir au Quartier de Lune, à 18h, la formation belge Les Caricoles. Quatuor Folk and Roll à l'énergie scénique contagieuse. À 20h, Nico Mitraille, homme d'inspiration aux sonorités pop reggae funk rock. Demi-finaliste au Festival Dédé Fortin et numéro 1 sur le palmarès Reverb Nation. Les talons dans le fond, le soleil dans les paupières, on fait crisser les pneus en distance des grands feux. Les Caricoles et Nico Mitraille, ce soir au Quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. Quartierdelune.com, 418-523-4011. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. La 7e édition du Festival de jazz de Québec, sous la présidence d'honneur de Raoul Duguay, aura lieu du 15 au 27 octobre. Plus de 80 spectacles qui animeront la ville avec comme invités de renommée internationale Nicky Yanofsky, Roy Hargrove, Ravi Coltrane. Les grands noms du jazz au Québec livreront des performances au Théâtre du Capitole. Cette année, le festival célébrera la rencontre du jazz et du classique en collaboration avec l'OSQ au Palais Montcalm. Informez-vous sur jazzaquebec.ca. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en pré-vente sur lesamisimaginaires.ca. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc, Lightning Hopkins, Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines avec Gilles Chaumel. Voilà, il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale et là j'accueille Catherine Boivin qui est allée faire un tour à la Villa Bagatelle. Catherine, t'es allée voir l'exposition Immortaliser Québec, Frédéric C. Vurtelé, ou je sais pas si je l'ai dit comme il faut, photographe. Oui, exactement, c'est W. Utrément, Mortel. Ouais. Alors, c'est un. On peut se demander quelle est son origine avec un nom comme ça. On a des petites chances que c'est allemand. Ben ouais. Mais en fait, il est québécois, canadien, puisqu'il est né ici et qu'il est issu de l'Allemagne, mais de troisième génération. C'est son grand-père qui était immigrant. Alors, on apprend cela. Donc, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui a vécu à Québec, quelqu'un qui a travaillé à Québec. C'était quand même un photographe amateur. Mais ça, il n'y en a pas des tonnes à l'époque. Là. Il va avec une aussi grosse production aussi. Oui, là. Parce qu'on disait quelque chose comme un inventaire d'au-delà de 575 photos ou négatifs là, qu'on peut avoir. C'est un fonds qui a été légué de ce travail-là. Et donc, ils ont fait une sélection à la Villa Bagatelle et ils l'ont arrangé, je dirais, de façon assez thématique. Où on voit par région, je dirais d'une certaine manière, c'est pas chronologique. Et on a aussi, bien, ils nous font un parallèle avec le lieu actuel, comment c'est devenu, est-ce que c'était autour de 1900, parce qu'il faut dire que c'est des photos qui ont été prises entre 1880 et 1910. Donc, une période de 30 ans au tournant du siècle. C'est assez c'est assez touchant de voir quelqu'un qui s'intéressait au patrimoine déjà, qui avait déjà une sensibilité, parce que c'est vraiment un regard sur Québec, ses bâtiments, les lieux, le port... mais un peu partout, parce que ça peut être aussi... Ben oui, il y a Limoilou, Charlebourg... Oui, c'est ça, le Cap Blanc, il y a même une magnifique, immense photographie de Sainte-Pétronée à l'île d'Orléans, juste en haut de la côte, avant de descendre près de la chocolaterie. C'était déjà plein d'arbres, et magnifique. Donc, quand on connaît les lieux, avec Québec, là, tout le monde a des points de repère, là. Ben oui. Mais c'est assez intéressant, le Château Frontenac n'est pas tout à fait fini de construire, le Parlement. Sa forme, on reconnaît pas la forme. Non, parce qu'elle n'a pas sa tour connaît, encore, ben oui. Exactement. Puis, on a aussi le Parlement de Québec qui semble comme pas aussi prestigieux qu'actuellement, parce qu'il n'est pas encore tout à fait complet, puis... Alors, c'est un regard en devenir, c'est un Québec en devenir, mais en même temps aussi un regard sur le passé que l'on peut voir. Puis c'est assez. Oui, parce qu'on voit une photo en fait où il y a la destruction d'une tour Martello. Oui, il y avait ça. C'est ça, c'était quelqu'un qui était sensible au patrimoine bâti. La tour Martello, ça nous fait de la peine, mais d'une certaine manière, il nous en reste. Alors, consolons-nous. C'était dans le coin de, en haut de la côte Saint-Sacrement, sur le terrain de l'hôpital Jeffrey Hale. Okay. Et il devait construire un autre pavillon. Et donc, je sais pas dans quel état la tour était, mais il y a un gros amoncellement de pierres. C'est assez impressionnant. En fait, la tour donne l'impression d'être éventrée. Oui. Oui, il y a des photos un peu catastrophes comme ça, je dirais. Il y en a une très touchante. Il y en a deux, en fait, où on voit le pont de Québec écroulé. Il y en a une où on le voit en construction aussi. Et donc, c'est pas juste un regard tourné vers le passé. Il y avait quand même un regard sur l'avenir. Il y a un événement aussi au Cap Blanc où je pense que le cap a déboulé et a vraiment fait écrouler une maison. En fait, ils disent que je pense qu'il y avait 25 ou 100 personnes, en tout cas, qui se sont ramassées enfouies sous 25 mètres de roche ou quelque chose comme ça. C'est assez saisissant. C'est ça. Donc, on dirait, on a un peu l'impression de quelqu'un qui entend la nouvelle et qui va aller sur les lieux pour aller constater. Mais aussi des images, je dirais, sans nécessairement être sensationnelles, là, sur différents lieux de Québec, le quartier de la finance, un peu le port aussi avec ses... Les anciens bateaux. Mais c'est fascinant, en fait. Je te coupe, Catherine, oui. Mais pour moi, je viens pas de Québec. Donc, pour moi, c'est fascinant de regarder ça. Aujourd'hui, le Champlain, pour moi, c'est un Disney World, là, tu sais, un peu à l'échelle Québec pour les touristes. Et là, de voir comment c'était au tournant du 20e. Wow, c'est pas du tout la même chose. Là. Absolument. C'est pas le beau petit endroit, là, avec les cartes postales et tout bien refait selon les règles du régime français. Tu sais, de regarder Charlebourg où c'est un champ. Donc, oui, on voit vraiment, là, c'est un regard sur la temps qui a passé aussi. Ah oui, c'était très... Moi, j'ai ri parce que c'est écrit Charlebourg, tu lèves la tête, c'est un champ avec clôtures. Champ, tu, oups, c'est pas tout à fait. Il y avait quelques maisons disparates, des fermes. Il y a une très belle vue aussi du boulevard Champlain, qui à l'époque était le chemin Champlain. Et là, on passe, nous, je dirais, à la gauche de l'église. Mais à l'époque, là, c'est-à-dire, l'église là était proche du fleuve. Là, on voit comment c'était mince, le chemin. Ça, on peut l'apprécier, voir tout le terrain qu'on a gagné sur le fleuve, dans le fond, parce qu'on est allé construire. Donc, les changements sont appréciables. La qualité aussi des images, des encadrements, les formats sont appréciables. Il y a certains très grands formats. Il y a quelque chose qui m'avait marqué aussi, c'est que il y a peu de photos d'hiver. Il y en a. Ah, ben oui, mais c'est drôle, vrai. On disait, ah, ça n'a pas l'air d'une ville hivernale tellement dans son regard. Quoique, bon, il y en a quelques-unes, mais c'était quand même gros. C'était des gros appareils à soufflet avec des trépieds. Et c'était quand même un équipement extrêmement cher, extrêmement lourd donc à transporter. On sort pas ça dans donc, l'hiver. Probablement qu'il y avait moins de facilité à sortir ça l'hiver. Il y en avait moins. Puis on m'a fait remarquer aussi que, ben, c'est justement, donc c'est quelqu'un qui vient d'une classe sociale plus favorisée, d'une certaine manière. Il était militaire, lui, de formation. Ensuite de ça, ben, il a été comptable, mais il a été aussi dans une société historique, en fait, très longtemps. Donc, il avait vraiment un souci pour le patrimoine, l'histoire. Et comme c'est un photographe amateur, bien, son regard est personnel. Les lieux où il va prendre des photos, c'est les lieux qu'il fréquente, c'est les lieux qui le touchent. C'est pas des œuvres de commande. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment, ça raconte une histoire, une espèce de parcours aussi. Puis ça, je dirais, il y a quelque chose qui est touchant. Oui, tout à fait. C'est pas juste la ville qui est racontée, mais c'est un certain regard sur la ville. Et j'invite, en fait, ça fonctionne bien aussi dans la Villa Bagatelle. Il me semble qu'il y a une espèce de dialogue historique qui s'opère un peu entre les vieilles photos, le lieu qui est chargé d'histoire, puis... J'ai beaucoup aimé, puis j'invite le plus grand nombre de gens à aller voir ça. C'est vraiment un beau moment. Ben oui, puis en plus, on a le temps d'y aller, là, parce que ça a lieu jusqu'au 15 décembre. Donc, puis en plus, c'est gratuit, précisons-le. Oui, absolument. Puis absolument, pas mal. Tout ce dont on parle est gratuit, mais des fois, c'est le fun de se rappeler le fait qu'il y a tellement de choses qui coûtent cher, puis là, ben, c'est une activité... Peut-être rappeler où est la Villa Bagatelle. On la confond peut-être pour certains avec la maison... Amel? Oui, ben en fait, la Villa Bagatelle est située là, tout juste à côté du... Bois de Coulonges. Merci, voilà. Juste à côté du Bois de Coulonges, au coin de la rue Holland. La première fois que j'y suis allée, j'ai eu un peu de misère à m'en replacer. Oui, parce qu'elle est un peu cachée par le boisé là, qui l'entoure, donc c'est important de le mentionner. Voilà, donc Immortaliser Québec, Frédéric C. Vurtel, photographe, s'est présenté jusqu'au 15 décembre. Catherine Boivin, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir envoyé là, j'ai bien aimé. On s'en va en pause, on écoute la pièce Black Eyes. Voilà, c'était un extrait de l'album « They gave the children drugs » de Borstal Boy, une suggestion de Simon Roy. Vous savez, la fin de semaine dernière, il se passait beaucoup de choses, mais notamment, c'était la première édition de la Foire en art actuel de Québec. Et ben, moi, j'avais envie de faire un retour sur un événement comme celui-là, qui me semble assez important dans le paysage de l'art actuel. Et pour en discuter, Marie-Pierre April et Gabrielle Bouchard, qui sont deux des organisatrices de l'événement. Bonjour! Bonjour! Les filles, je pense que vous êtes contentes. Oui! Vraiment, ouais. Vraiment, on pense que c'est un succès. Franchement, on a eu beaucoup de bons appuis aussi. Il y a plusieurs personnes qui étaient contentes, puis nous aussi, là, les quatre filles. En fait, il y a Fnunta aussi et Jeanne Couture là, qui sont dans le projet. Très contentes, oui. Et il y a eu combien de visiteurs environ? Là, parce 950 que... environ. 950, bon, une grosse partie de ça qui était durant la fin de semaine, là, mais ouais. On est comme surprise du nombre de personnes là, qui se sont pointées. C'est au-delà de nos attentes, là, vraiment. Ah ouais? Vous aviez quoi, mettons? Là, parce qu'avant, on n'en parle pas trop parce qu'on a peur de provoquer le sort et que ça se passe pas, mais c'était quoi un peu vos attentes? C'est sûr quelques centaines, là, à cause forcément du vernissage. Vendredi, là, ça amène toujours un grand nombre de personnes au vernissage, mais on s'attendait pas à 900, pratiquement 1000 personnes, on s'attendait vraiment pas à ça. Là. Ça a été une très belle surprise. Mais vous avez eu quand même une belle visibilité là, avec Radio-Canada, avec Le Devoir. Ouais, J'en passe. Et ces gens-là, parce que j'ai parlé avec une collaboratrice de l'émission, c'est Jean-Tienne La France qui disait, parce qu'elle travaille à vue, donc nécessairement les gens qui allaient à l'œil de poisson allaient à vue aussi, comme ils se demandaient si ça faisait partie de la foire. Elle me disait, c'est pas tout à fait le public habituel des centres d'artistes. Comment qualifieriez-vous? Les gens qui étaient là? C'était vraiment du grand public, honnêtement. Là, c'est du monde pour la plupart qui avaient vu l'article dans Le Devoir, puis qui se sont déplacés, qui avaient entendu parler de la foire, puis qui étaient un peu curieux de voir qu'est-ce que c'était comme principe. Des personnes peut-être qui sont habituées d'aller dans les galeries, beaucoup de personnes, mettons, qui allaient chez Michel Guimond, puis là, ils avaient entendu parler de cet événement-là, donc ils se sont dit, on va aller voir, mais tu sais, ils nous posaient des questions. C'est pas la clientèle des centres d'artistes, non, c'est ça. Un autre milieu des arts. Ils nous demandaient qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir dans la bâtisse, tout ça, là, ils étaient vraiment intéressés, puis ils ont pris de l'information dans le fond sur l'endroit. Puis dans le fond, ça fait, vous aviez des gens qui faisaient de la médiation pour la foire, mais vous êtes retrouvés à faire de la médiation pour Méduse, pour les centres d'artistes aussi, j'imagine? Oui, un peu, là. Donc de facto, c'est ça, les gens posaient des questions puis étaient comme curieux des arts visuels en général aussi, non seulement sur les œuvres, mais aussi ce qui se fait dans la bâtisse, comme Gabrielle disait. C'était vraiment pas la faune habituelle là, de l'œil de poisson, là. Franchement, tu sais, moi, je fréquente l'œil de poisson depuis des années, puis les gens qui étaient au vernissage public, puis je me disais, OK, je suis une des organisatrices, je vais les connaître, mais... Tu connais le milieu aussi. Oui, puis je me rendais compte, mon Dieu, je connais pas les visages tant que ça. J'étais surprise de voir à quel point c'était pas des gens qui ont des visages connus. Là. En fait, évidemment, les visages connus étaient là aussi, mais il y en avait d'autres qu'on n'avait pas vus, puis ça, juste pour ça, on est très contente, parce qu'un des buts aussi de la foire, non seulement c'était d'encourager les artistes, mais c'était aussi peut-être d'aller chercher d'autres gens qui sont pas familiers avec ça. Là. Donc, je pense que pour ça, ça a été aussi une réussite. Là. Parlant des artistes, comment tu as vendu là, à la foire? Là, moi, je voyais plein de picots rouges un peu partout. Là. Vous êtes satisfaite aussi, j'imagine, de ça? On a vendu le tiers des œuvres qui étaient là. C'est 34 œuvres qu'on a vendues. Ah ouais, quand même. Fait que les artistes étaient vraiment contents. Ben oui, parce que le 80%, je pense, d'argent qui leur revient. Puis ça leur a donné une bonne visibilité aussi. Là. Il y a des personnes qui ont pris leur nom, qui veulent continuer à suivre leur carrière. Ah ouais? Oui, mais entre autres, on peut parler de Myriam Dion là, pendant deux petites secondes. Elle a vendu toutes ses œuvres. Myriam Dion, est de Montréal. Est-ce que c'est celle qui travaillait avec les journaux? C'est incroyable. C'est parti, je pense, dans la première heure là, du premier vernissage le mercredi soir. Donc, toute la fin de semaine, les gens étaient comme « Oh, je suis déçue, j'en aurais acheté, j'en aurais pris 10. » j'exagère, enfin, mais les gens, c'est ça, étaient très, très, très curieux de cette jeune artiste parce qu'elle est toute jeune en plus, puis je pense qu'elle a un futur brillant devant elle. Là, mais D'ailleurs, vous parlez, j'ai envie de vous lancer dans les anecdotes. On m'a dit qu'il y a deux personnes, entre autres, là, vous en avez sûrement plusieurs autres, mais qu'il y a deux personnes qui ont failli chicaner là, parce qu'elles voulaient une œuvre, puis il y en a une qui l'a achetée, puis l'autre à côté a dit « Non! Je la voulais! » Ben une, c'était le dessin de Dan Brou. Dans le fond, il était en train de le payer dans le bureau, puis la personne, l'autre personne intéressée parlait avec une autre des médiatrices en disant bon ben moi c'est celui-là que je veux acheter, puis ben il est sorti, puis c'était fait là, il y avait pas possibilité de l'acheter, puis il était vraiment déçu, puis il a essayé de le convaincre d'y revendre, mais ça a pas été possible. Ah ouais, fait que votre idée de stimuler l'achat comme spontané d'œuvres, ça a fonctionné. Là. Les gens, est-ce que vous avez vu des gens qui achetaient tout de suite, ou des gens qui revenaient aussi, qui prenaient la chance, un peu comme dans un encan d'une certaine la manière. La plupart achetaient tout de suite. Ouais, ça a été vraiment d'achat VIP. D'impulsion. Ouais. Un peu, je pense que ça l'a joué un peu là-dessus. Oh, ouais, sous la pression là de l'événement, puis. Ouais. Fait que la formule événementielle, finalement, vous la regrettez pas là. Du tout. Est-ce qu'il y a, parce que tu sais, une première édition, des fois, on fait les choses d'une manière. Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, non, déjà, on pense à l'an prochain, puis on se dit, on va faire ça d'une autre manière? Est-ce que vous pensez déjà à des améliorations? Ou là, vous dites, là, c'est assez, là, on se donne un break, puis on verra. C'est une méchante bonne question. Mmh. Je pense qu'on n'est pas encore assez retombé, qu'on n'a pas encore vu, là. Premièrement, on n'a pas eu de bug majeur, là, tu sais. Non. Moi, j'ai senti que tout coulait bien, donc du coup, là, tout de suite, pour l'instant, je sais pas qu'est-ce que je ferais différemment. Là. On va laisser la poussière retomber un peu. Après ça, c'est sûr qu'on veut faire, on veut revenir sur tout ça, reparler à nos partenaires aussi pour voir eux qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Les partenaires, parlez-vous de pour le financement, parlez-vous des galeries? Les galeries, les artistes aussi, voir comment ils ont trouvé ça. Ben oui, le Forum Jeunesse aussi qui nous avait appuyés. Tous nos collaborateurs, dans le fond. Les galeristes, est-ce qu'ils se sont impliqués pas mal durant la fin de semaine, ou ils laissaient ça comme... Ça dépend. Michel Guimond a envoyé une de ses vendeuses de la galerie pour être présente le samedi, pour donner de l'information, tout ça. Il trouvait ça important. Monsieur Ouellet pouvait pas être là parce que lui, il est de Montréal. Ben fait ouais. que là, c'était plus... C'est plus complexe, mais les trois se sont vraiment informés pour voir s'il y avait des œuvres de vendues, comment ça s'était passé, tout ça, là. Donc, ils regardaient de loin. D'ailleurs, parlant j'ai envie de revenir aux œuvres vendues, j'ai vu que la collection Desjardins avait fait des acquisitions, on va te voir, quand même. Hein? Oui. J'imagine que vous étiez assez contente de cette... Vraiment. Franchement, évidemment, les collections privées ou publiques, c'est toujours... quelque chose qui est un peu glorieux là, pour un artiste là, de dire ben j'ai été acquis par la collection Desjardins, c'est vraiment intéressant là, donc non, franchement, les quelques artistes qui ont pu avoir cette chance là, m'ont dit je suis très contente pour eux là, vraiment là, c'est une belle surprise ça aussi là. Puis est-ce que vous avez vu, parce que là, on parlait du public de manière générale, mais bon, il y a des gens qui sont notoirement collectionneurs à Québec, est-ce qu'il y en a pas mal de ces gens-là qui sont venus, qui ont ils ont fait une grande partie là, de notre achalandage au vernissage VIP là, ces gens-là ils étaient là, puis non, ils ont été présents là, ils ont participé à l'événement, puis je pense qu'ils étaient contents en tant que nous là qu'on ait fait ça, donc Il y a des collectionneurs qui tenaient à revenir au courant de la fin de semaine pour voir comment ça se passait, s'il y avait plus de points rouges sur les murs Ouais, ça a été précieux là, l'aide qu'ils nous ont apporté là-dedans aussi. Puis tu sais, il y en a qui avaient attendu d'acheter pour acheter pendant la foire, pour nous aider aussi en même temps avec ça. Puis que c'est super apprécié là. Ah oui, donc il y aurait pu acheter avant, puis on dit non, voilà, nous on achète. Ah oui, c'est vraiment bien. Donc vous avez vraiment été soutenus là par le milieu de tout ça. Totalement. Oui. Et peut-être en terminant, je sais que bon là c'est terminé, mais je pense sur votre site internet et sur Facebook là à suivre, il va y avoir des photos, une vidéo, donc vous allez faire une sorte de conclusion finale bientôt, j'imagine. Oui, ben là on attend les photos finales, on est en train de préparer un communiqué de presse aussi disant les retombées puisque les conclusions de la fin de semaine dans le fond là, fait que ça s'en vient sous peu. Donc c'était la première édition, vous êtes satisfaite, vous en voyez plusieurs à venir, j'imagine. Mais en fait avant de le faire, on se disait bon, on pense pas à la deuxième, la troisième, on focus sur la première, puis pendant toute la fin de semaine, évidemment, les gens disaient « Ah ouais, en tout cas, l'année prochaine, tu sais, vous allez faire ça quand? » les gens étaient comme super excités. Ouais. Puis, je pense que ça nous a donné un bon coup de pouce pour se dire « OK, ben on leur fera, tu sais, parce que c'est le fun. » Puis je pense que les gens à Québec aiment ça, là. Ils l'attendaient. L'intérêt, là, ça, on le sait, là, c'est conclu. On le présumait avant, là, vous en avez vraiment la confirmation. Oui, maintenant, je sais pas si ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être on va se donner le temps de retomber sur nos mains, mais non, je pense que avec le plaisir qu'on a eu à faire ça. Puis aujourd'hui, on est comme toutes les quatre très fiers de l'avoir fait. Puis on aimerait peut-être ça récidiver, là. Ouais. Ben, on l'espère grandement, que ce soit l'an prochain ou dans deux ans. Mm-hmm. De toute façon, vous allez certainement nous redonner des nouvelles. Oh, oui, quand ça sûr. Se produira, on va vous suivre de près. Marie-Pierre April, Gabrielle Bouchard, merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, elle nous parlait de la Foire en art actuel de Québec. D'ailleurs, si vous voulez, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, à tout le moins, allez visiter le site internet foireactuel.com. Foireartactuel.com. Oui, voilà, il manquait un mot. Donc, il y aura plus d'informations, des photographies et tout ça. Donc, merci à vous. Merci. On s'en va en pause audio. On écoute They Hung the Architect When the Foundation Crumbled sur les ondes de CKRL. C'est déjà la fin de l'aérospatiale. Avant de terminer, comme à l'habitude, je vous propose quelques événements au calendrier des arts visuels. Demain, à 19h, il y a une conférence, une visite spéciale de l'exposition sur la collection William S. Paley, un goût pour l'art moderne, avec le commissaire de l'exposition, Jean-Pierre Labiot. Je le répète, c'est à 19h. Mercredi et jeudi, à l'œil de poisson, à 19h, deux soirées de performance organisées par Folie Culture. Ces soirées s'intitulent « Beau, trois petits points, qui vient de loin. » Donc, j'imagine que les performeurs ou le public pourront intégrer le verbe qui leur sied. Le 25 octobre à 17h, c'est le vernissage de Patrick Sternon à Regard. Également, cette soirée à Materia, c'est le vernissage de l'exposition à toute maille, ce qui s'inscrit dans le projet 2040, donc une exposition dont le commissariat a été fait par Carole Bayargeon. Donc voilà, c'est ainsi que je termine cette édition de l'aérospatiale. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde, mes invités et collaborateurs. Et bien entendu, je vous laisse au bon soin de Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique. Bonne soirée!